Vous avez le droit de vous offrir un bon bol d'air frais parce que vous avez le droit d'agir avec nous. Parce qu'avec la Banque Postale, vous avez le droit de choisir un prêt personnel à impact plus responsable. C'est ça, être banque et citoyenne. La Banque Postale. En savoir plus sur nos actions, sur le site, sur la route de vos projets.fr. Offre réservée aux particuliers après acceptation de votre dossier par le prêteur, la Banque Postale Consumer Finance. Vous disposez d'un délai de rétractation de 14 jours calendaires, voire conditions en bureau de poste ou sur labanquepostale.fr. La Banque Postale, intermédiaire de crédit du prêteur. Précédemment dans Le Phédon, Socrate, condamné à mort, s'apprête à boire la ciguë. Face à la tristesse de ses amis, le philosophe leur soutient une thèse déconcertante. Celui qui s'est exercé à la pensée durant toute sa vie n'est pas inquiet, mais plein de confiance au moment de mourir. Et tout simplement, car philosopher ne consiste en rien d'autre qu'à délier son âme de son corps et à réaliser que l'âme est immortelle. Toutefois, subsistent plusieurs questions, dont celle-ci. Comment l'âme pourrait-elle échapper à sa dissolution matérielle? L'âme aurait-elle affaire moins au monde sensible et concret qu'aux idées? Serait-elle abstraite? Bon, je remplace Madame Le Borgne, votre institutrice. J'espère que ça va bien se passer. Le directeur m'a donné quelques conseils. Je dois donc vous prévenir tout de suite que je monte très bien à cheval. Je sais bien tenir les rênes. Ne m'obligez pas à tirer sur le mort. Qui c'est qui est mort, monsieur? C'est personne qui est mort, c'est le mort aux dents. C'est un symbole. Qu'est-ce que c'est un symbole, monsieur? Un symbole, c'est quand on... c'est une image. Monsieur, quand on sera sage, vous nous en donnerez des symboles? Ben oui, vous avez dit que des symboles, c'était des images. Mais c'est abstrait, c'est des images abstraites. Tu comprends? C'est quoi abstrait, monsieur? Ben abstrait, c'est le contraire de concret. Tu vois, je vais te donner un exemple. Par exemple, bon, si je te donne une gifle, c'est concret. Pam, t'as une gifle. Tu vois? Si je te donne une image, c'est abstrait. C'est... on peut pas les toucher, c'est une idée. Tu comprends? Qu'est-ce qu'il y a, là? Ben, monsieur, je vais donner une gifle, comme vous m'avez dit. Vous nous avez dit que c'était concret. Concret. Tu as donné une gifle? Oui. Mais t'es fou, toi! Ça fait mal! Fais attention, toi. Hein. Moi aussi, je peux être concret avec toi. Bonjour, Frédéric Ildefonse. Bonjour, Géraldine. Vous êtes directrice de recherche au CNRS, au centre Jean Pépin. Vos travaux portent notamment sur la philosophie antique, mais vous vous intéressez aussi à l'anthropologie. Vous êtes ici avec nous pour parler d'une théorie de la connaissance. La théorie de la connaissance et la recherche de la vérité de Socrate qui apparaissent dans le dialogue du Phédon. Mais on l'a vu jusqu'ici, le Phédon est un dialogue sur la mort de Socrate. Comment les deux en viennent-ils à être noués? En fait, vous avez déjà évoqué le fait que la mort, c'était la séparation de l'âme et du corps. Donc, dans l'affaire de la mort, l'âme est concernée. Et en fait, la connaissance, ça va être ce qui concerne au plus haut l'âme. C'est-à-dire que l'âme a à voir avec quelque chose qui est de l'ordre de la pensée. Et la pensée se produit relativement à un type d'être qui sont précisément les formes. Et les idées. Alors vous avez employé le terme de forme et idée, Frédéric Ildefonse. On va devoir définir ces termes importants, ça va nous prendre du temps, il va falloir être concentré. Mais vous l'avez dit, l'âme n'appartient finalement pas en fait au monde, on pourrait dire, sensible. Est-ce qu'on peut dire que l'âme est abstraite? Je fais référence là à l'extrait qu'on a entendu, c'est un extrait du film Le Maître d'école, un film de Claude Berry de 1981. On fait souvent cette distinction qui est peut-être un petit peu réductrice entre concret et abstrait, entre intelligible et sensible. Est-ce que l'âme, on doit le dire, relève plutôt de l'abstrait et de l'intelligible? L'âme, je ne sais pas s'il faut parler en termes d'abstrait ou de concret, mais il faut parler de type de réalité. Et il est clair que l'âme est une réalité qui a plus à voir avec l'intelligible, avec les formes. Donc qu'est-ce que c'est qu'une forme? Est-ce qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet ou est-ce qu'on en passe d'abord à comment on vient, Platon, à nouer cette relation entre l'immortalité de l'âme et l'immatérialité de l'âme? Je veux bien qu'on passe par le biais de la réminiscence à nouveau sur un certain aspect. Voilà, la réminiscence dont on a parlé hier avec Monique Dixot, mais on va revenir par cette théorie-là parce que ça va nous permettre de comprendre justement ce qu'est une forme, ce qu'est une idée et pourquoi l'âme a affaire plutôt à ce monde-là ou en tout cas aux formes et aux idées. Avant d'avoir commencé à voir, à entendre, à user de nos autres sens, il fallait bien que, de quelque manière, nous nous trouvions en possession d'un savoir de ce qu'est l'égal en soi. Si nous devions par la suite lui rapporter les égalités perçues à partir des sensations, puisqu'elles s'efforcent toutes, avec une belle ardeur, de ressembler à ce qu'il est, lui, alors que comparées à lui, elles sont bien imparfaites. Donc, si nous avons acquis cette science avant de naître, puisque nous la possédons à la naissance, nous avions, avant de naître et aussitôt nés, un savoir non seulement de l'égal, du plus grand, du plus petit, mais de tout ce qui est de même ordre, sans exception. Car il va de soi que notre raisonnement présent ne porte pas plus sur l'égal que sur le beau en soi, le bon en soi, ou le juste, ou le pieux. En un mot, sur tout ce à quoi nous imprimons la marque « ce que c'est », aussi bien dans nos questions quand nous nous questionnons, que dans nos réponses quand nous répondons. Il en résulte qu'il est nécessaire, d'abord, que nous soyons entrés en possession des savoirs portant sur chacune de ces réalités avant de naître, ensuite, que nous naissions toujours avec ces savoirs et que nous les conservions tout au long de notre vie. Des idées, j'en ai 100, j'en ai 1000. Elles sont là, tout en tas, qui se faufilent. Elles entrent dans mon cerveau, s'y bousculent comme dans le métro. J'en ai mille fois trop. Et des idées, j'en fourmille, j'en entasse. Tous les jours, elles accourent, j'ai plus de place. C'est la vérité, ma foi, elles sont logées à l'étroit. J'ai le crâne trop petit pour moi. J'ai inventé les bretelles qui peuvent servir de jartelles, de lance-pierre et de lit de camp et de parachute en même temps. J'ai inventé ces pratiques, le seul mouchoir à musique. Quand on se mouche dans un salon, ça joue le grand air de Manon. Des idées, j'en ai trop, j'en entasse. Elles font toc, toc et toc, j'ai plus de place. C'est bien simple quand elles me voient, elles se sauvent avec effroi. J'ai le crâne trop petit pour moi. Frédéric Ildefonse, on vient d'entendre, alors bon, Georgius, c'est une chanson qui s'appelle « Des idées », mais on a entendu, surtout juste avant, interprété par Bernard Gabé, un extrait du Phédon 75B-75D. Alors, on en a parlé hier, je l'ai dit, cette théorie de la réminiscence. Et pourtant, c'est ce qui nous permet de comprendre comment Socrate en vient à soutenir non seulement que l'âme est immortelle, mais aussi l'âme est immatérielle. Comment ce texte permet d'en arriver là, Frédéric Ildefonse ? Alors en fait, moi, ce texte, il m'intéresse moins pour l'immatérialité de l'âme, même, enfin, que pour la manière dont il fait, dont il inscrit l'expérience de l'intelligible, en quelque sorte, ou la preuve de notre connaissance de l'intelligible dans chacune de nos sensations. Ça a été dit hier et je le redis et j'y insiste, c'est-à-dire que à chaque fois que j'ai une perception de quelque chose, en plus, Platon nous dit, j'ai un pathos supplémentaire qui me fait un pathos, c'est une affection, une sensation. Voilà, quelque chose m'arrive. En plus, qu'il décrit un peu ailleurs dans le texte, je vais le citer sous la forme d'un énoncé assez complexe. Ce qu'elle souhaite, cette chose que moi je vois maintenant, c'est être semblable à une autre réalité, mais elle reste en défaut, et elle est impuissante à être égale de la même façon que l'autre. En vérité, elle est inférieure. C'est-à-dire ça, c'est l'énoncé que Socrate associe à chacune de mes perceptions comme une expérience associée. Cette expérience associée, d'où me vient-elle? D'où peut-elle me venir? Pourquoi est-ce que quand j'ai la sensation de quelque chose, je n'ai pas purement et simplement la sensation de quelque chose? Pourquoi est-ce que j'ai ce truc qui m'arrive en plus, ce pathos qui m'arrive en plus, et que je peux décrire sous cette forme-là? Donc par exemple, quand je vois cette table, je ne vois pas seulement cette table, je pense peut-être tout de suite à autre chose qui serait quoi? La définition de la table? À une autre table que j'ai rencontrée dans ma vie? Au fait que je me sois cognée dans une table? Alors en fait, là, dans le Phédon, dans la République, il parle d'un lit. Vous n'êtes pas loin. Ah ben voilà. Un objet technique, donc il y a aussi des formes, des idées techniques. Dans le Phédon, là, il parle en termes d'égalité, dans cet exemple, et d'inégalité. Et en fait, l'expérience qui est faite, ce n'est pas « Ah tiens, c'est égal, ça me rappelle un autre truc que j'ai vu qui était égal ouais. », mais c'est cette égalité, ah bon sang, c'est pas l'égalité. C'est-à-dire qu'il y a, on sent à la fois de la chose elle-même sensible, qu'elle cherche à être autre chose et qu'elle n'y arrive pas. C'est-à-dire que la réminiscence, c'est l'expérience d'une insatisfaction. Et cette insatisfaction, elle ne peut se justifier, elle ne peut être fondée que si j'ai en moi la mesure qui me permet d'avoir une insatisfaction, sinon je serais satisfait. Alors, ce que je comprends dans ce que et, vous dites... Frédéric... Et l'objet serait satisfait, enfin je veux dire la chose oui. sensible serait satisfaite. Ce que je comprends, Frédéric Ildefonse, dans ce que vous dites, c'est que quand on voit par exemple donc une table, on a tout de suite quelque chose, un sentiment de manque. C'est-à-dire que cette table finalement échoue à être quelque chose, on ne sait pas quoi. Et c'est là où en fait, et la deuxième chose, c'est que ce sentiment d'échec de cette table à être autre chose qu'elle-même, c'est en fait un sentiment, une mesure que nous, on ressent en nous. Et c'est là où on en revient à la théorie du ressouvenir ou de la réminiscence, c'est-à-dire que quelque chose, si on sent que quelque chose manque, c'est qu'on sait qu'il y a eu plus avant, c'est ça ? C'est ça. Et encore une fois, dans le fédon, c'est moins un objet que ce que nous, on appellerait une qualité. C'est-à-dire, mais qui n'est, comment dire... Une couleur, par exemple, une là, grandeur. Là, il s'agit de... Les exemples qu'il donne, c'est le bon, l'égal, l'inégal. Il donne toutes sortes d'exemples au fil du dialogue. Mais en tout cas, en effet, comment dire, c'est que cette chose égale, disons, elle cherche à être plus semblable à l'égal qu'elle ne l'est. Donc ça veut bien dire que... Si j'ai ce sentiment associé, ça veut dire que j'ai en moi la mesure de quelque chose qui manque là. Et qui manque là, non seulement à moi, mais qui manque à la réalité elle-même. Et bien précisément, la forme ou l'idée, c'est cette réalité entière par rapport à laquelle la réalité sensible est insuffisante. Et quel est le rapport en fait avec l'âme ? C'est-à-dire que quel est le rapport dans cette sensation de défaillance de la réalité ? Est-ce que parce que faut quand même resituer le fait que le sous-titre du Fédon c'est de l'âme, qu'on parle de la mort de Socrate, qu'il ne faut pas s'inquiéter de mourir parce qu'on sait que notre âme est immortelle, et que là tout à coup on arrive par cette théorie de la réminiscence à soutenir qu'il y a une réalité qui est défaillante, une réalité sensible qui est défaillante par rapport à une réalité intelligible. Oui. Mais quel est le rapport avec l'âme ? L'âme est-il ce moyen qui nous permet de mesurer cet écart entre la réalité sensible et intelligible ? Ou est-ce qu'en fait, on est sur une étude de l'âme et on se dit, l'âme fait aussi partie de cette réalité défaillante ou alors de cette réalité intelligible et complète ? Non, alors, voilà. Là, on peut reprendre, si vous voulez, le fil du dialogue. C'est-à-dire, au moment où... où il est question de la mort comme séparation de l'âme et du corps, mmh. D'accord ? Alors, il y a plusieurs choses à dire. Premièrement, dans la séparation de l'âme et du corps, on en vient à dire que le corps devient autokatoto, c'est-à-dire lui-même en lui-même, et l'âme, elle devient otekatote, c'est-à-dire elle-même en elle-même. Vous allez me dire, qu'est-ce que ça veut dire, ça, elle-même en elle-même Oui, on a l'impression que c'est un peu tautologique, justement. Alors moi, ça me fait plutôt penser en philosophie à des choses qui ont été élaborées plus tard, genre en soi par soi, enfin des choses de l'idéalisme Sartre, allemand. Ouais. Voilà. Mm. Plutôt Hegel, en fait. Hegel et après Sartre. Mais en fait, cette expression, autokatoto et otekatote, ça veut dire tout seul. Par exemple, moi, je rends hommage ici à la mémoire de quelqu'un que j'ai connu jadis et qui m'avait donné des cours sur le sophiste, Patrick Baudet, qui est mort beaucoup trop jeune, et qui disait, le poisson autokatoto, c'est le poisson tout seul, sans sauce. Donc, si vous voulez, on en vient, par l'âme, hein, on en vient dans la mort à un moment où le corps est tout seul, où l'âme également est toute seule, d'accord ? Eh bien... tout à fait d'une certaine manière et tout à fait exactement ainsi, l'idée, par exemple, l'idée de beau, eh bien, c'est le beau tout seul. Et il y a précisément un moment qui suit cet exposé et qui suit l'exposé où il est dit que l'âme, quand elle se concentre en elle-même, quand elle est toute seule, comment dire, elle n'est perturbée par rien du corps. Et à ce moment-là, elle peut vraiment, dit Socrate, aspirer à ce qui est. Mmh. Eh bien, à ce moment-là, intervient la première mention qu'on peut dire des idées et des formes, mais pas dite ainsi, dans une question que pose Socrate et qui dit, bon, est-ce que nous affirmons qu'il existe quelque chose de juste en soi, ou quelque chose de juste tout seul, ou bien rien? Et là, la réponse de l'interlocuteur est très intéressante. Il dit, ah non, par Zeus, bien sûr. Vous voyez? C'est donc évident qu'il existe le juste en soi. Ce qui est très intéressant dans le dialogue, c'est que quand on demande à l'interlocuteur, est-ce que nous affirmons qu'il y a quelque chose qui est juste en soi, en fonction des traductions, par exemple, Robin traduit qui est juste tout seul, oui, ou bien non, l'interlocuteur dit oui. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une forme d'accord là qui se fait déjà sur ce qu'on peut pas vraiment appeler un type d'objet, parce que c'est précisément pas un objet, mais un type de réalité qui est le beau tout seul. Ce beau tout seul vers lequel tendent toutes les belles choses sans parvenir à l'atteindre. Et ça, c'est précisément la déficience dont on parle. C'est la déficience dont on parle, et oui, c'est aussi cette déficience qu'on peut évaluer. On en revient à cette théorie de la réminiscence, parce qu'en fait, on a eu le savoir de ce, oui, qu'était le beau, oui, en soi, oui, tout seul. C'est ça, et donc on arrive... Pas seulement du beau en soi, tout seul. C'est-à-dire que c'est tout ensemble. D'ailleurs, dans le texte qui vient d'être cité, il est dit « Notre raisonnement présent ne porte pas plus sur l'égal que sur le beau en soi, mmh, le beau en soi ou le juste ou le pieux. En un mot, sur tout ce à quoi nous imprimons la marque, ce que c'est, mmh, aussi bien dans nos questions quand nous questionnons que dans nos réponses quand nous répondons. » Donc, vous voyez, c'est pas juste l'accès au beau seul. C'est-à-dire que quand vous entrez dans cette dimension, je ne suis pas très rigoureuse à employer ce terme, mais là, les choses se tiennent. C'est-à-dire que les formes sont ensemble dans une organisation. Une organisation que Platon va s'attacher à décrire dans d'autres dialogues, par exemple, éminemment, le sophiste. Mais donc, voilà. Ce texte-là que je viens de citer, il est intéressant à un autre égard, c'est que par rapport à ce que je disais à l'instant, c'est-à-dire cette formulation du auto-katoto, du auto en soi, lui-même ou tout seul, eh bien il y a une autre terminologie qui affleure. Tout ce à quoi nous imprimons la marque « ce que c'est », aussi bien dans nos questions quand nous questionnons que dans nos réponses quand nous répondons. Et cette affaire-là, c'est l'affaire de Lucia. Alors voilà, ce que c'est Lucia, en fait, en français, on pourrait dire l'essence, ce que c'est. Alors, quelle est la différence? Parce que c'est là où on y est déjà rentré dans cette affaire de terminologie. Vous avez employé plusieurs fois le terme de forme, on a employé le terme d'idée, et là, maintenant, on emploie le terme d'essence. C'est les trois grands termes. Comment les distinguer, en fait? Quelle est la différence entre le bon en soi, donc auto, qui repose sur le terme auto, entre ce que c'est, ça a l'air d'être équivalent, c'est-à-dire le beau tout seul et ceci, donc on parvient à une définition de la beauté, donc à l'essence de la beauté, et l'idée et la forme de la beauté. Alors, en effet, c'est le moment, je pense, où il faut qu'on revienne sur cette affaire-là. Donc, j'insiste sur, en effet, auto, et sur l'usage du neutre aussi, ça on n'en parle pas. C'est-à-dire que le beau ou le bon ou le juste, en grec c'est to, quelque chose, un adjectif au neutre, c'est un adjectif substantivé. Et ça c'est très très important parce que c'est aussi une innovation platonicienne d'exprimer ainsi ce qu'il va exprimer par ailleurs comme ousia, eidos ou idea. Alors ousia, c'est en effet un mot qu'on a traduit par essence, et qui a une énorme postérité philosophique en tant que ce concept. Ousia intervient aussi chez Aristote, et chez Aristote, on le traduit soit essence, soit substance, mais c'est un autre débat. Toujours est-il que ousia a à voir avec le verbe être, to einai, et donc c'est le substantif qui correspond à ce que c'est. D'accord ? Donc c'est vraiment l'essence, ce qui est réellement, par rapport justement à un mode d'être plus atténué, plus défectueux, qui est le mode d'être dont nous faisons l'expérience dans l'expérience sensible. Quoique, encore une fois, ce qui, et j'y insiste, définit vraiment la réminiscence, c'est le fait que non seulement je me souvienne de cela, mais que je me souvienne de cela comme de quelque chose qui est mieux. Oui. Et donc il y a vraiment qui est plus complet, qui est plus qui est plein. Qui est plein. Alors là, on peut comment dire faire la litanie des épithètes, des idées et des formes, qui est tellement célèbre que je vais sûrement en oublier. C'est-à-dire que Athanatos, qui ne connaît pas la mort, un unique, stable, permanent, inaltérable, immuable. Exactement. Ouais, okay. Exactement. On a compris l'idée. Intemporel, voilà. Donc quand par exemple je vois quelque chose d'égal, pour reprendre l'exemple du texte, plutôt que ma table. Non, mais votre table est très bien. C'est juste que dans le Fédon, il insiste plutôt sur autre chose. Et dans la République, c'est le lit. Donc votre table est tout à fait à droit de cité. Je m'en tiens. Donc quand même à l'égal. Donc quand je vois quelque chose d'égal, j'ai la réalité sensible de l'égalité. Enfin, il y a une chose égale là, quoi. Une chose égale là, genre par exemple, mais qu'est-ce que ça veut dire une chose égale là? En fait, même l'exemple, il est bizarre. Oui, alors ça, bon, ça c'est une autre paire de manches, mais on peut prendre... Mais ce que je veux dire, c'est, alors prenons quelque chose de rouge. Alors les couleurs, je n'ai pas... c'est pas le plus représenté. Parce qu'on est toujours égal par rapport à autre chose, on n'est pas égal comme ça. Donc j'ai par exemple, j'ai deux pièces de 1 euro. Là, on a quelque chose d'égal. Donc, on a l'idée de l'égalité. On sent bien, je vois deux pièces de 1 euro. Je sens que j'ai accès, qu'il y a une représentation sensible de ce que pourrait être l'égalité, 1 et 1. Mais quand même, je vois bien que ces pièces-là, il leur manque quelque chose. C'est cela. C'est qu'en moi, j'ai le souvenir de l'essence. Oui. De l'essence. Oui, de l'égal. De l'égal. Exactement. De l'essence de ce qu'est l'égalité. Et mon âme a une affinité particulière avec cette forme. Alors, il y a une chose... Et alors, pourquoi vous employez le terme de forme, là ? Oui, alors, j'aurais pu... Parce qu'on a parlé là, de réalité sensible et on a parlé d'essence. Parce que moi, je trouve qu'à la limite, c'est très simple de dire la réalité, il y a une réalité sensible, il y a une réalité intelligible et les essences font partie de la réalité intelligible. C'est même ce avec quoi on sort d'une année de philosophie en terminale par rapport à Platon. Oui. On se dit, il y a le monde des idées, le monde du sensible, et c'est facile à comprendre. Et c'est très difficile, du coup, de travailler là-dessus, parce que c'est devenu tellement, comment dire, soi-disant connu, qu'en fait, c'est, et d'ailleurs je vous en remercie, ça devient très différent quand on s'attache plus précisément à un dialogue, comme le Fédon, et qu'on suit ce qui se passe dedans. Alors, il faut bien dire que dans le Fédon, à nouveau, il y a du neutre, il y a de l'auto, en soi, tout seul. Il y a de Lucia, il y a de l'Eidos, il y a de l'Idéa. Je rendrai hommage à Monique Dixot pour avoir écrit un article absolument historique. Elle vous en aurait mieux parlé hier que moi aujourd'hui, c'est certain, sur justement Lucia, Eidos et Idéa dans le Fédon. Oui. Et elle a vraiment recensé les occurrences. Donc Lucia, essence, Eidos, forme. Idéa, idée. Là, c'est compliqué parce que, si vous voulez, l'affaire de Eidos et Idéa chez Platon, c'est pas simple. C'est-à-dire j'ai l'impression. Non, c'est pas simple. Et donc, parfois il dit Eidos, parfois il dit Idéa. Et Monique Dissot, dans cet article historique, dit très justement qu'il n'a pas écrit la métaphysique Delta. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait un lexique. Il n'a pas fait, il utilise les termes de manière appropriée au moment où il les utilise. Et ça, on va y revenir. Et elle a une très belle expression d'ailleurs. Elle dit, tous ces termes, c'est du logos enroulé. C'est du logos enroulé, c'est-à-dire, c'est au fil de la discussion. Donc le logos, c'est quoi? C'est du discours enroulé, c'est oui, ça? Oui, alors logos, c'est vrai que... On va me traduire, on parle tous grec. Non, mais le problème, c'est que logos, c'est à la fois très utile et à la fois très polysémique. Donc logos, ça veut dire parole, ça veut dire langage, ça veut dire discours, ça veut dire raisonnement, ça veut dire raison, ça veut dire argument, ça veut dire rapport. Donc logos enroulé. Voilà, du logos enroulé. C'est-à-dire en tout cas que Platon utilise les mots, les concepts et les termes dont il a besoin au fil de son enquête. Mmh. Et de fait, il utilise surtout Lucia au début. Mmh. D'accord? Alors Monique Dixot les comptabilise. Hein. Il y a 7 occurrences d'Lucia. Ah, vous connaissez le texte? Oui. On en parle toute cette semaine. Donc, ah oui. Cette occurrence d'Oussia, on a 16 occurrences de Eidos, donc forme, et 8 occurrences d'idée, idéa. Voilà. Et alors, elle dit là que Oussia, donc, intervient dans le contexte du début du dialogue. En effet, c'est ce à quoi nous imprimons la marque du ce que c'est, aussi bien dans nos questions qu'en nous questionnant que dans nos réponses qu'en nous répondons. C'est ce qu'on a dans le texte. C'est ce qu'on a dans le texte, mais c'est bien de le souligner parce que Lucia est très est employée dans un contexte où il est surtout question justement de la vérité. De l'échange dialectique qui procède par questions et réponses. Et le Phédon est très remarquable en cela qu'il thématise, qu'il dit directement que l'affaire du dialogue, c'est l'affaire de Lucia. C'est l'affaire du ce que c'est. D'accord? Alors, j'en profite pour dire quelque chose qui me tient vraiment à cœur. C'est que, au début du dialogue, enfin non, à un moment du dialogue, il parle même de rabâcher. D'accord? Dans la traduction de Minigixos, c'est rabâcher. S'il existe, comme nous le rabâchons sans cesse, un beau, un bien, et tout ce qui comporte ce mode d'existence. Passa et toyute usia. D'accord? Okay. Donc là, on voit bien qu'il y a un lien entre l'enquête dialectique, les questions et les réponses, et l'usia. Ce type d'existence qu'est l'usia. Ce terme de rabâcher, je l'ai trouvé 3 fois dans le Phédon. Une autre fois, c'est après le passage qu'on verra plus tard sur l'éclipse de soleil et où il l'explicite en relation justement aux formes. Donc c'est lié à nouveau à la question de ce qui est en soi, disons. Mais la chose moins soulignée, c'est que tout au début du dialogue, il intervient ce terme de rabâcher. Et c'est très intéressant parce que là, il parle pas des formes, mais il dit... Non pas ce que nous rabâchons, mais il parle de ce que les poètes, qui sont-ils, ne cessent de nous rabâcher. Et c'est le même verbe. Et que ne cessent de nous rabâcher les poètes, c'est que nous n'entendons rien, nous ne voyons rien avec exactitude, acribès. Donc en fait, on voit bien, c'est-à-dire que là aussi, on fait le lien avec l'insuffisance des sens... dans la recherche, parce que les sens ne nous donnent pas d'exactitude, et on voit que pour le coup, l'exactitude, elle nous est donnée, elle, par Lucia. Alors, là, je parle beaucoup d'Oussia. L'Eidos. Donc la forme. La forme. Elle intervient plus tard dans le dialogue, ou bien, plus exactement, comment dire, ces termes, il faut savoir que ce ne sont pas des termes qu'invente Platon. Ce sont des termes qui existent et qui sont éventuellement polysémiques, qui peuvent intervenir. Et couramment employés pour... Oui, oui, par exemple, Oussia, au départ, avant de vouloir dire essence et d'être un concept philosophique, ça veut dire propriété foncière. Ça veut dire un bien. Donc oui, ça existe déjà. Simplement, Platon va les charger conceptuellement au point que dès lors, ils deviendront absolument indissociables de sa philosophie, entre autres. Quelle différence faire, enfin comment définir la forme et quelle différence faire entre la forme et l'idée? Alors justement, encore une fois, chez Platon... L'essence est assez claire, mais... Super. Chez Platon, Eidos et Idéa... C'est discuté parce que c'est pas si clair en général. On a l'impression que c'est ce qui apparaît. Est-ce que la forme, ça relève de la réalité sensible, on pourrait dire? Alors, dans certaines occurrences, du Phédon lui-même, Eidos peut être employé de cette manière-là. Donc, par exemple, la forme de l'égal, la forme de cette table. Alors, attendez, là, c'est trop. Comment dire, c'est trop, ça peut mettre la confusion au sens où, quand on dit la forme de l'égal, tout de suite, on est propulsé dans Lucia, quand je vous entends. Donc c'est plutôt par exemple telle apparence du corps, Eidos. D'accord. C'est dit une fois. Et il y a par exemple une pièce de 1 euro, c'est la forme de l'égal. J'ose plus parler. Non. C'est-à-dire que la forme sensible, enfin comment dire, la pièce d'un euro. Bon d'abord la pièce d'un euro, elle est ronde. Oui. D'accord. Donc dans ce sens, elle a une forme extérieure reconnaissable à la vue. D'accord. Mais en fait, l'Eidos, la forme chez Platon. La forme en tant que concept, l'eidos pour lui, c'est vraiment l'intelligible. Donc ça n'est plus la forme sensible. Simplement, dans le Phédon, il y a plusieurs manières d'utiliser le terme eidos, qui est par ailleurs un terme courant. Si vous voulez, il est surconceptualisé dans la deuxième partie du dialogue, où il devient vraiment le terme qui veut dire forme. Je signale juste un passage qui est à peu près à 80, où il distingue ce qui a une forme unique, monoeidos, et qui est précisément ce qui est divin, immortel et objet pour l'intelligence. Vous avez reconnu Lucia. Ouais. Et ce qui est polueidos, c'est-à-dire ce qui est multiforme et qu'il appelle, et qui concerne l'humain, le mortel, et qui est pour le coup inaccessible à l'intelligence. D'accord? Donc, il y a des usages d'eidos, et ça, Monique Dixot le dit bien dans cet article aussi, qui touchent à d'ailleurs toutes sortes d'enquêtes, mais c'est vraiment dans la deuxième partie du dialogue où eidos apparaît comme le concept de forme, vraiment. D'accord. Le concept de forme auquel la réalité sensible participe seulement. Alors, idea. Voilà, parce qu'il faut qu'on avance, oui, 10h30 et bien sûr. Il nous reste 22 minutes. Bien sûr. Donc, idea. Ben, par exemple, dans la République, idea tagatus, c'est l'idée du bien. Donc, on traduit idée. Et à ce moment-là, c'est clair que c'est inintelligible. On va pas entrer là-dedans maintenant. Mais l'idée du bien, c'est ce qui est plus haut. Et même, Platon dit, c'est ce qui est epekaina tesousia, c'est-à-dire ce qui est au-delà de l'essence. Donc, vous voyez. L'idée est au-delà de l'essence. Non, pas l'idée. L'idée du bien. Cette idée-là. D'accord? Pas l'idée de la table. Pas l'idée du lit. Mais l'idée du bien a cette spécificité. Donc, par exemple, l'idée du juste? Non. C'est seulement. L'idée du bien, d'accord. Seulement l'idée du bien. C'est pas une. Seulement l'idée du bien est au-delà de l'essence. Ouais. Mais on l'a dit, idée. Idea. Mais, encore une fois, donc, eidos et idea, parfois il dit idea, en mettant cette affaire d'idée du bien à part, parce qu'à part, pour le coup, elle l'est vraiment. Parfois il dit idea, parfois il dit eidos. Dans le Phédon, ce que Monique Dixot a montré dans cet article historique, c'est que idea est employé d'une certaine manière, toujours rattaché à des verbes d'ailleurs, et que idea, en fait, on s'en tire bien pour le traduire à dire caractère. Mais caractère au sens presque grec aussi du terme, c'est-à-dire de ce qu'on peut imprimer et de ce qu'on reconnaît. D'accord? Ce qui permet la reconnaissance. Et elle soutient dans le Phédon, et quand on regarde le texte dans la deuxième moitié, c'est bien ce qu'on peut, enfin, ça aide beaucoup ce qu'elle dit, et on ne peut qu'être d'accord avec elle. C'est-à-dire que l'idéa, c'est le caractère qui est imprimé par l'eidos, en fait. C'est-à-dire que l'eidos est celui qui est la cause du caractère pour une chose. D'accord? Ok. Donc c'est plutôt ça dans le Phédon. Mais encore une fois, eidos idea, dans d'autres dialogues de Platon... C'est assez synonyme. C'est-à-dire que c'est... Voilà. D'ailleurs, les deux, précisons-le, ont à voir avec la terminologie de la vue. Orao, je vois, eidon, l'aoriste. Et donc, en fait, idea, ça vient de là. Et en fait, eidos... à avoir aussi. Si vous consultez le dictionnaire étymologique de Chantraine, vous voyez que c'est des mots qui sont liés à l'idée de la forme extérieure. Sauf que, il est bien clair, comme je le disais, que les poètes nous rabâchent que nous ne voyons pas, que nous n'entendons pas précisément, la forme dont il est question n'est pas une forme visible, c'est une forme invisible. Monique Dixot le rappelait hier, l'Hadès, c'est l'invisible, et l'âme aussi est invisible. Ce sont surtout ceux qui passent leur temps à mettre au point des discours contradictoires, qui finissent par croire qu'ils sont arrivés au comble de la maîtrise et qu'ils sont les seuls à avoir compris qu'il n'y a rien de sain ni d'assuré en aucune chose, ni en aucun raisonnement non plus. Que tout ce qui existe se trouve tout bonnement ballotté par des courants contraires, impuissant à se stabiliser pour quelque durée que ce soit en quoi que ce soit. Mais ne serait-ce pas vraiment lamentable, Phédon, d'éprouver pareil sentiment? Lamentable, alors qu'il existe un raisonnement vrai, solide, dont on peut comprendre qu'il est tel, d'aller ensuite, sous prétexte qu'on en rencontre d'autres, qui tout en restant les mêmes, peuvent nous donner tantôt l'opinion qu'ils sont vrais et tantôt non, refuser d'en rendre responsable soi-même ou sa propre incompétence, de finir par se complaire à rejeter sa propre responsabilité sur les raisonnements, de passer désormais le reste de sa vie à les détester et à les calomnier se privant ainsi de la vérité et du savoir concernant ce qui réellement existe. Il faut nous préserver de cela avant tout. Notre âme doit se fermer entièrement au soupçon que peut-être les raisonnements n'offrent rien de sain. Les gens dont je parle se moquent complètement lorsqu'ils entament une controverse à propos d'un objet donné, de savoir comment sont réellement les objets dont ils parlent. Non, ils mettent toute leur énergie à faire adopter par ceux qui les écoutent la manière dont eux ont déterminé ces objets. France Culture, Les chemins de la philosophie, Géraldine Mosna-Savoie. On vient d'entendre un autre extrait du Phédon interprété par Bernard Gabé, c'est le passage 90C-91B. Alors Frédéric Ildefonse, il faut le dire, au moment où Socrate développe sa théorie de la connaissance, sa théorie des idées, des formes et de l'ousia et de ce que l'âme en fait peut connaître ou pas et ce pourquoi en fait elle est faite, il a une objection à laquelle il répond. Il a une objection qui consiste à mettre en doute cette théorie de la connaissance. Et il y répond en fait en faisant allusion à quelque chose qui résonne vraiment avec notre époque, qui est très actuelle, sur ceux qui ont la haine de la raison. En fait, ces misologues, on pourrait dire, donc la haine du logos, donc qui sera à la fois parole, discours, raisonnement, raison. Et c'est intéressant de voir comment en fait le moment de développer une théorie de la connaissance et des idées est aussi le moment pour Socrate de régler ses comptes d'une certaine manière avec ceux qui l'ont condamné, donc qui l'ont tué pour incarner, qui l'ont mis à mort pour incarner cet amour de la raison, et aussi pour régler ses comptes avec ceux-là qui mettent en doute tout ce qu'on leur apporte comme raisonnement, qui sont en fait dans une sorte de retournement de la pensée contre elle-même. Alors oui, c'est-à-dire que ce moment est particulier dans le dialogue, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de moment un peu d'abattement, parce qu'il y a un raisonnement qui a été tenu, qui a ébranlé ce qu'on croyait stable, et donc il y a un interlocuteur qui manifeste un certain désespoir, enfin. Et à ce moment-là, en effet, il y a une espèce d'élan de Socrate très important qui s'en prend au misologue et qui s'en prend justement au misologue en disant qu'il faut se garder de la misologie comme il faut se garder de la misanthropie. C'est-à-dire que la misanthropie, on devient misanthrope, c'est parce qu'on rencontre quelqu'un, on le connaît pas, on s'y attache et puis ça se passe mal. On en prend un autre, on le connaît pas, on s'y attache, et puis ça se passe mal. Et puis à la fin, on en vient à détester les hommes. Et il donne cet exemple pour la misologie aussi, c'est-à-dire que il s'en prend aux gens qui tiennent des discours, enfin ceux qui tiennent des discours contradictoires, c'est-à-dire qui pensent que, bon là, on se demande qui est visé, on sait que Protagoras peut être visé, on sait que les sophistes, d'autres sophistes peuvent être visés, c'est-à-dire que l'état du monde est tel qu'on peut très bien tenir un discours et son contraire. Mais c'est exactement ce qu'on peut constater aussi encore aujourd'hui. On peut très bien dire qu'un vaccin est génial et de l'autre côté qu'un vaccin tue des gens. Voilà, c'est pour ça que ce que Socrate met en place, c'est que d'abord c'est terrible, que c'est lamentable, que c'est... Mais c'est vrai qu'il y a un jugement moral qui est très clair. Mais c'est lamentable, mais c'est aussi à lamenter. C'est-à-dire que c'est d'autant plus triste parce que, comme il le dit, il existe un raisonnement vrai, solide, dont on peut comprendre qu'il est tel. C'est-à-dire que les gens qui disent on peut tenir ce discours et son contraire, les deux discours s'équivalent, l'état du monde étant tel, en fait, après, tout est une affaire de persuasion, simplement. Tout est une affaire d'exercice du pouvoir par la parole. Et ce que Socrate, lui, veut, et ce qu'il fonde dans le Phédon, c'est que, justement, il faut s'en remettre à ce qui est authentiquement vrai, et à partir de là, raisonner. Alors, ce que je vous propose, Frédéric Ildefonse, c'est que là, on vient d'écouter ce texte, on a bien compris l'idée de Socrate, mais il faut tout de suite en écouter un autre, en fait, pour comprendre ce que c'est qu'un raisonnement vrai et solide. On va écouter tout de suite donc un autre extrait du Phédon, ce moment où Socrate raconte qu'il voulait à tout prix connaître la cause des choses dans le monde, ce qu'il rencontrait, que s'étant tourné vers les sciences naturelles, il a été déçu, et voilà ce qu'il en dit. J'en arrivais à être lassé de l'examen des choses existantes, et il me sembla que je devais prendre garde à ne pas subir le même accident que ceux qui observent et examinent une éclipse de soleil. Certains corrompent parfois complètement leurs yeux pour n'avoir pas regardé dans l'eau l'image de l'astre qu'ils étudient, ou n'avoir pas utilisé un moyen de ce genre. Et c'est à ce type d'accident que je réfléchissais. Je me pris à craindre que mon âme ne deviennent totalement aveugles à force de regarder les choses avec mes yeux et d'essayer de les atteindre par chacun de mes sens. Voici alors ce qu'il me sembla devoir faire, me réfugier du côté des raisonnements, et à l'intérieur de ces raisonnements, examiner la vérité des êtres. Il se peut d'ailleurs que, dans un sens, ma comparaison ne soit pas ressemblante, car je n'accorde pas du tout que lorsqu'on examine les êtres à l'intérieur d'un raisonnement, on n'est plus affaire à leurs images que lorsqu'on les examine dans des expériences directes. Quoi qu'il en soit, c'est dans cette direction que je pris mon élan. En chaque cas, je pose un raisonnement que je juge avoir une très grande force, et tout ce qui me paraît consonner avec lui, je le pose comme étant vrai, aussi bien s'agissant de la cause que de toutes les autres réalités sans exception. Sinon, je le pose comme n'étant pas vrai. C'est un très beau texte qu'on vient d'entendre, donc c'est un extrait du Phédon, toujours 99D100A, si vous voulez vous référer au texte interprété par Bernard Gabay. C'est un très beau texte parce qu'en fait, Socrate non seulement fait un récit personnel, donc de sa déception dans la recherche de la vérité, une première déception quand il s'intéressait aux causes et qu'il se tournait vers les sciences naturelles. On lui disait, il se demandait pourquoi, par exemple, la Terre était faite de cette manière-là, et on lui disait, mais elle est faite de cette manière-là parce qu'elle est disposée ainsi, on lui donnait plutôt des conditions, on va dire, physiques de la Terre, mais on n'allait pas vers la cause première qu'il recherchait, et c'est là qu'il s'est intéressé à la philosophie. Et il dit dans ce texte cette idée que à regarder trop l'éclipse solaire, on est ébloui, en fait, à ne s'en tenir qu'au sens, on n'obtient aucune vérité. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut le comprendre, Frédéric Ildefonse, ce texte? Alors oui, ce qui est frappant, c'est qu'il y a diverses images liées au soleil dans la théorie de la connaissance de Platon, mais celle-là est particulière. C'est-à-dire qu'en effet, et c'est un fait, si vous regardez directement une éclipse de soleil, vous risquez de vous détruire les yeux. Mmh. Donc en fait, le raisonnement ici est établi comme le médium dans lequel examiner la vérité des êtres. Ce thème de l'examen, il est constant dans le dialogue, hein. C'est le même verbe qui est employé tout le temps. Et c'est, donc là, il s'agit de même qu'on regarde l'éclipse de soleil dans un plan d'eau ou dans un morceau de verre qu'on aurait. Donc, on la regarde pas directement, mais par l'intermédiaire d'un autre médium, on la contemple ailleurs. Et bien, de même, le logos ici, le raisonnement, est élu par Socrate, et c'est extrêmement important pour le reste de la philosophie antique et peut-être de la philosophie tout court. Le raisonnement, le discours est élu comme le médium dans lequel examiner la vérité des êtres. Donc par exemple, quand je regarde, je reprends mon exemple de table, quand je regarde par exemple cette table, il faut toujours que je l'examine, ou alors cette chose égale, il faut toujours que je l'examine à la lumière d'un raisonnement, c'est-à-dire ne pas m'en tenir à la vision de l'égal, l'examiner à la lumière, donc, et c'est là où on en revient à l'âme. On voit que quelque chose manque, donc c'est la théorie de la réminiscence. Donc toujours l'examiner à la lumière d'une idée que j'aurais pu formuler ou que j'aurais pu avoir en moi de cette idée d'égal, c'est ça? Alors ça, c'est très important, c'est-à-dire qu'en effet, il y a la réminiscence et cette vous avez l'idée, vous avez l'intelligible en vous, votre âme l'a, elle l'a eu et elle l'a toujours. Mais l'idée, vous avez employé le mot de formuler, et il y a l'affaire aussi de la formulation, c'est-à-dire que le raisonnement, il va en effet rendre compte de ce que par ailleurs Platon développe, enfin Socrate développe juste à la suite, c'est-à-dire de la relation de participation que le sensible entretient aux formes. Et d'une certaine manière, ça, je vais l'exprimer dans un raisonnement. Et ce raisonnement, ce sera précisément la stabilité dont je peux disposer pour fonder une science qui ne soit pas uniquement sensible, qui ne s'en tienne pas qu'au sensible. C'est surtout que, comment dire, le sensible menace. C'est-à-dire qu'il y a tellement de contrariétés au sein du sensible, tellement d'insuffisances, que le sensible à lui-même ne suffit pas à donner de la stabilité. C'est-à-dire qu'il y a l'histoire des antilogies, c'est aussi... Donc l'antilogie, c'est le fait de soutenir en même temps une thèse et son antithèse. Comment dire, si on en reste au sensible entendu pour lui-même, on en vient là, d'une certaine manière. C'est-à-dire que c'est si on fait le rapport à l'intelligible qu'on est en mesure de fonder le raisonnement vrai sur lequel on peut fonder l'enquête. Et ensuite, bon, c'est ce qu'il dit, ensuite on va enchaîner des raisonnements vrais. Alors, ça veut dire que si on s'en tient au sensible, c'est comme ça finalement qu'on devient misologue ? Parce qu'en fait, oui, on est tellement pris dans la diversité, oui, et la contradiction, oui, qu'on ne peut rien élaborer. Mais en revanche, si on sort du plan sensible pour aller vers l'intelligible, c'est là où on peut construire un raisonnement vrai. Mais c'est là où j'ai une question, Frédéric Ildefonse, c'est que sur cette théorie, ce que vous avez employé le terme de participer. Oui. Donc, par exemple, je reprends mon exemple de table parce que pour moi, c'est celui qui est le plus simple. Je vois une table, j'ai l'impression que ça participe à l'idée... De table. De table, oui, par exemple. Ça veut dire que je n'ai pas formulé l'idée de table en partant de toutes les tables que j'ai rencontrées dans le monde. C'est-à-dire que dans ma vie, j'ai rencontré des tas de tables. Elles ont toutes quatre pieds et elles ont toutes un pan sur lequel je peux poser des choses. Vous avez reconnu la marque de la table qui procède de l'eidos de la table. Ce qui veut dire que on peut penser que la connaissance est le fait d'abord d'expérimenter, d'observer, de regarder, et à partir de la diversité, d'extraire de cette diversité des caractères communs qui vont m'aider à formuler l'idée ou la forme ou l'essence de ce qu'est une table. Or là, ce que dit Platon, si j'ai bien compris, c'est que, en fait, j'ai déjà en moi, oui, cette essence, cette idée de table, oui, et c'est quand je la rencontre en vrai que je comprends que c'est une table. Que je la reconnais. Donc c'est pas la table en vrai qui me permet de dire ce que c'est que l'essence d'une table, c'est moi dans mon âme, oui, qui savais déjà ce que c'était, oui, qu'une table. Oui, oui, oui, tout à fait. Et il y a une affinité, il faut vraiment y insister, entre l'âme et l'intelligible, le noéton, l'objet de la pensée. Mais c'est là où on en revient à pourquoi, en fait, cette théorie de la connaissance s'insère ici par rapport à l'âme. C'est qu'il y a, oui, une vraie identification entre... le logos, la manière de raisonner et l'âme, en fait, ce pourquoi alors, elle est faite. Je sais pas s'il y a vraiment une identification, mais en tout cas, il est dit très clairement dans le dialogue que la phronesis, la pensée, c'est ce qui se produit pour l'âme dans le voisinage des intelligibles. Donc ça, c'est intéressant aussi, hein, c'est-à-dire que c'est ce qui se produit. C'est-à-dire que quand l'âme est toute seule concentrée en elle-même, alors elle peut être au mieux dans un accès à l'intelligible. Et est-ce qu'on peut connaître l'âme ? C'est-à-dire que si c'est l'âme... C'est l'objet du Phédon, n'est-ce pas ? C'est l'objet du Phédon, mais alors comment l'âme qui nous permet... Parce que c'est ça aussi, ce détour de la théorie de Socrate, c'est quand même de se dire comment l'homme peut connaître ? Oui. Mais la question n'est pas vraiment comment l'homme peut se connaître, comment l'homme peut connaître par l'âme, mais comment l'homme peut se connaître par son âme, et donc se connaître son âme. Vous voyez, ça, cette question, elle n'est pas vraiment affrontée. Il n'est pas question d'idée de l'âme, vous l'aurez remarqué, ni de forme de l'âme, vous l'aurez remarqué. Voilà, on ne sait pas si l'âme a une essence, une idée. On n'en parle pas ainsi, et pourtant, à la fin, il est question du fait que l'âme apporte la vie. Et d'ailleurs, je voudrais dire une chose très belle, enfin, une chose très belle qui est dans le texte, et une chose que je ressens, c'est qu'à parler de ces objets, et en relisant le Phédon, j'oubliais que ça parlait de la mort. En fait, ça parlait de la pensée, ça parlait tellement de la pensée que j'en avais oublié la mort. Et en fait, au début du dialogue, il dit que l'affaire de la philosophie, c'est de mourir et d'être mort. Et c'est un parfait en grec, c'est-à-dire c'est passé puis c'est devenu un état. Et à la fin du dialogue, il dit « jamais l'âme ne sera étant morte ». C'est-à-dire qu'il reprend le participe parfait pour dire que ça, c'est pas possible. Et c'est très beau, cette espèce de manière dont il dit « Elle ne sera, estai, jamais tetnekuya, étant morte. » Elle ne sera jamais morte. Parce que c'est un elle ne sera jamais morte, elle ne sera jamais dans cet état de la mort. C'est... parce qu'elle est immortelle. Voilà. D'où la confiance de Socrate au moment. Et l'espoir. Voilà. Et l'espoir, la confiance de Socrate et l'espoir au moment de mourir. Mais d'où aussi ce paradoxe du texte qui, à chaque fois qu'on le lit, on se dit, mais je ne comprends pas, c'est un dialogue sur la mort. Et pourtant, on me parle de l'âme comme d'un principe vital. Parce que si on essaye quand même d'esquisser une définition ou une essence de l'âme, on pourrait dire quand même que c'est un principe vital. Or, c'est pourtant grâce à l'âme qu'on apprend à mourir. Et alors ça, c'est quand même quelque chose que Socrate nous laisse un peu mais sur les bras. Disons que la question, c'est que le plus intense, c'est pas cette vie que nous menons, c'est vraiment la vie de la pensée. Et donc, à cet égard, il y a pas tant de contradictions. C'est vraiment vers la vie de la pensée qu'on se dirige en mourant. Donc, cette théorie, en fait, de la connaissance et cette recherche de la vérité, c'est vraiment, comment dire, ça apparaît donc avec ce dialogue sur la mort et sur l'âme. Mais finalement, est-ce que c'est ça aussi la grande leçon que nous laisse, en fait, Socrate, en disant, en fait, ce n'est pas tant la peur de la mort, en fait, qu'on doit avoir, c'est plutôt la peur de tomber dans cette haine de la raison? Oui, oui, certainement. Et comment dire, encore une fois, l'affaire, c'est de se purifier dans cette vie-ci pour que notre âme soit le plus concentrée en elle-même. Et je pense que la leçon du Phédon, c'est que, et l'espoir, c'est que l'intelligible et l'âme ont un sort lié. Vous voyez? S'il y a un beau, un juste, tout seul en soi, alors l'âme est immortelle. C'est-à-dire que il y a une telle affinité entre les deux, que leur sort est lié. Mais est-ce qu'on peut être assuré que leur sort est lié? Comment on peut faire pour que leur sort soit lié? Parce que Socrate parle aussi souligne l'importance de la philosophie, le fait de penser, l'importance des idées, d'accorder, de se pencher plutôt vers l'essence que vers l'existence, de donner du sens à ce qui est regardé. Mais finalement, on l'a bien vu avec les misologues et on le voit bien aujourd'hui, l'erreur est tellement facile, c'est tellement facile de penser contre la pensée elle-même. Vous voyez, de lier l'âme à l'intelligible, mais mal. Mais en fait, je sais pas si Platon dirait que c'est si facile de penser mal. C'est-à-dire que il penserait qu'il y a des obstacles et que ces obstacles n'ont pas été levés. Et en fait, il y a tout un vocabulaire de la purification de l'âme, et là on touche aussi à l'anthropologie, et cette affaire, c'est elle qui peut assurer un exercice, lui-même assuré de la pensée, sur des objets qui existent réellement, enfin sur des êtres qui existent réellement. On dit que la vérité dans le mouvement des planètes, l'hiver en été, mais où donc était-il passé? Je l'ai cherché partout pendant toutes ces années. L'éclipse solaire ne m'a pas aidé. L'automne au printemps tombent les beaux sentiments. Le rossignol chantait dans la pluie et dans le vent. La nature manque trop d'aise de temps en temps. L'éclipse solaire, évidemment. L'ordre intersidéral semble s'être réglé. Le soleil à sa place, la lune sur le côté. Qu'aurais-je enfin trouvé? L'aurais-je enfin trouvé? La vérité est dans les astres. La vérité est dans les astres. Merci beaucoup Frédéric Ildefonse. De vous, on peut lire Il y a des dieux, c'est paru aux éditions PUF. L'édition, vous avez aussi fait le Protagoras, donc c'est aux éditions GF, excellente édition GF, mais aussi vous avez fait La naissance de la grammaire dans l'Antiquité grecque, c'est aux éditions Vrin. Et puis je rappelle, donc toujours dans ces excellentes éditions GF Flammarion, que nous parlons toute cette semaine du Phédon et qu'on peut le trouver dans ces éditions-là, traduit et présenté par Monique Dixot. Merci encore Frédéric Ildefonse. Merci à vous Géraldine. Vous écoutez France Culture, il est 10h54 bientôt et c'est l'heure de retrouver la chronique de Frédéric Worms, le pourquoi du comment.